إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc nous sommes maintenant dans le cours numéro 23 du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata 'ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nawaqid l'islam, les émissions de l'islam. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre, bi'idhnillah, l'annulation numéro 8, la huitième annulation. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdillah, rahimahullah, a dit cela. Al-Thamin, la huitième annulation. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. soutenir مظاهرة المشركين. مظاهرة من الظهر من الدو. soutenir les مشركين, les associateurs, donc les kuffars. ومعاونتهم من العون. معاونة من العون. donc معاونة c'est le مصدر du verbe عاونة يعاونوا. معاونة. Et c'est bien de l'aoun, l'aide. Et donc, et les aider, donc aider qui? Ben, les mouchikin, les associateurs, les koufars. Ala al-muslimin, contre les musulmans. Donc celui qui soutient les koufars et qui les aide contre les musulmans, c'est un kafir. En fin de compte, il est devenu comme ceux qu'il soutient et qu'il aide contre les musulmans. Donc il devient mouchik aussi, kafir. والدليل قوله تعالى إلى بروف c'est sa parole à الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين et qui s'allie à eux aux kuffars منكم parmi vous les musulmans فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Alors certes, lui, il fait partie d'eux, donc il fait partie des mécréants. Il ne fait plus partie de l'islam. Il est apostasie. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Certes, Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Et ceci est dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie, au verset 51. Nous avons déjà lu ce verset, mais les versets qui suivent dans un cours précédent. Et Inch'Allah, nous allons relire ceci. On prend le nom le Mus'haf et nous allons à la surat An-Nisa, excusez-moi, surat Al-Ma'ida, au verset 51. Al-Ma'ida, verset 51. Et le début du verset commence comme cela. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ba'duhum awliya ou ba'd. Une partie d'entre eux sont des alliés. Pour une autre partie. Donc Allah Azza wa Jalla ici interdit bien les musulmans, les croyants, de prendre les juifs et les chrétiens comme alliés. Et regardez bien ce qui se passe à notre époque dans le monde. Comment des états qui se prétendent musulmans s'allient corps et âme, je dis bien corps et âme aux mécréants, wal'iyadhu billah. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Et celui qui s'allie à eux, parmi vous, alors certes lui, il fait partie d'eux. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Et ça, en fin de compte, c'est une caractéristique des munafiqoun, ceux qui cachent leur kufr et qui font apparaître un islam. Et lisez bien la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Comment les munafiqoun de Médine agissaient? Ils allaient voir les mouchlikines de la Mecque en cachette pour manigancer avec eux contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans et l'islam. Mais nous prenons le verset qui suit et qui explique en fin de compte les munafiqoun. Et Allah azawajal nous a dévoilé une des caractéristiques des munafiqoun, qui est le fait de prendre alliés les mécréants. Et Allah azawajal dit après le verset qu'on vient de citer, فترى الذين في قلوبهم مرض. Et tu verras ceux qui ont dans leur cœur une maladie. Et rappelez-vous, je vous avais dit que dans le Coran, quand Allah azawajal parle de ceux qui ont dans leur cœur une maladie, il veut dire qui? Les munafiqoun. Les munafiqoun, comme c'est au début de la sourate Al-Baqarah. Rappelez-vous, moi je vous avais demandé de lire les cinq premiers versets de la sourate Al-Baqarah qui décrivent les croyants. Ensuite, vous avez deux versets qui décrivent les mécréants. Et après, vous avez plus d'une dizaine de versets qui décrivent les munafiqoun. Parce que le problème munafiqoun est assez complexe. Et oui, ils cachent. Ils jouent à cache-cache, d'accord? Ils trichent. Ils font preuve de ruse. Donc, il faut les dévoiler. Donc, c'est pour ça qu'Allah a donné des explications sur les munafiqoun. Et il est dit pour eux, au verset 10 de Sourate Al-Baqarah, fi qulubihim marad, dans leur cœur il y a une maladie, fazadahum Allahu marada, et Allah azza wa jalla les augmente en maladie, wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, et à eux un châtiment douloureux pour ce qu'ils mentent, d'accord, pour ce qu'ils déclarent, pour ce qu'ils mentent. Et dans une autre version, yakdhibun, qu'Allah nous préserve du nifaq et du kufr, et nous fasse mourir sur sa religion, sur l'islam. Quand je reviens au verset, qui est dans la sourate Al-Maïda, maintenant nous sommes au verset 52, donc Allah je dit, tu verras donc ceux qui ont dans leur cœur, donc le munafiqoun, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Yusari'una fihim, ils se dépêchent, ils s'empressent à aller fihim, à aller chez les mécréants, chez les juifs et les chrétiens. Regardez, par exemple, vous qui êtes en France, ceux qui sont en France, comment font certains imams, certaines mosquées ou autres associations dites islamiques, d'accord? Comment ils s'empressent vers les koufars et comment ils s'empressent aussi vers la laïcité et autres koufres comme la démocratie? Comment ils s'empressent vers les tawarites? Et ils disent quoi? يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. Ils prennent excuse pour aller vers les koufars, ceci. Et ils disent, nous craignons que nous atteigne un mauvais sort. C'est-à-dire qu'ils ont peur des koufars, et donc, en fin de compte, ils s'allient à eux pour se préserver de leur mal. Et seulement, ils sont tombés dans un plus grand mal, qui est le koufre. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Il se peut qu'Allah vienne avec son ouverture, sa conquête, ou une autre, affaire de lui, venant de lui, من عنده. Alors ils deviendront les munafiqoun, à ce quoi ils ont caché en eux-mêmes, nadimin, regrettant, ils regretteront. Je reviens à ceux qui habitent dans les pays des koufars, ou dans d'autres pays, dans d'autres pays musulmans, mais dont beaucoup de dirigeants sont koufars, murtadoun, apostats, de ces soi-disant imams, de ces soi-disant muftis, qui s'empressent vers les koufars, vers le tarout, vers les tawarites, qui prennent comme argument en cachette, quand on va dire, vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites, des fois en cachette, ils vont dire, Et si on fait ça, c'est pour se préserver de leur mal. Et ces gens-là prétendent être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que tous les prophètes, ou un seul des prophètes faisait ça? Subhanallah. Subhanallah. Les prophètes appelés au tawhid et n'avaient pas peur des répercussions des mécréants jusqu'à ce qu'ils se fassent torturer ou qu'ils se fassent tuer. Et n'avait pas peur aussi pour les croyants, pour ceux qui les suivaient, qu'ils se fassent torturer ou tuer. Par contre, ils ne les obligeaient pas à affirmer, dans le sens à déclarer à voix haute leur islam, comme le prophète, son salam, quand il était à la Mecque, il n'obligeait pas aux croyants, aux musulmans qui étaient à la Mecque, qui pouvaient se faire torturer ou autre, d'aller déclarer à voix haute et d'appeler les gens à voix haute à l'islam comme lui il faisait. D'accord ? Il laissait ceci à ceux qui voulaient eux-mêmes se charger de ce fardeau, se charger de cette responsabilité énorme, mais qui aura une récompense énorme du fait d'appeler les koufars, alors qu'on est au milieu des koufars, à l'islam, en subissant les répercussions des koufars. Ceux qui sont en France, que ce soit l'UEF ou autre, et qui veulent une autre voie, une autre sunna, d'accord, un autre minhaj, une autre voie que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'autre que n'importe quel autre prophète, de jouer avec le tarot et de jouer avec le règle jusqu'à tomber dans leur couffre, au lieu de dire d'une voix haute et claire, tout ce que vous faites c'est du couffre, vous devez arrêter, vous devez revenir au tawhid. Eh bien non, ces gens ont préféré suivre une autre voie. Et ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que ce qu'ils font, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment les gens qui les suivent les croient? Subhanallah. Comment Allah azawajal guide les gens, guide ceux qui sont les têtes de l'égarement et guide ceux qui suivent les têtes de l'égarement. Alors que l'affaire est vraiment évidente. Celui qui lit un livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit très bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait à la Mecque envers les mécréants. Et malgré ça, il s'égare. Et il joue avec le jeu du tarot. Nous poursuivons maintenant les versets dans Sourate Al-Maïda. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. Et ceux qui ont cru disent: est-ce que c'est ceux-là, en visant les munafiqoun, qui vont bien sûr s'allier aux kuffar, est-ce que c'est ceux-là qui juraient par là de jurements qu'ils attestaient, qui renforçaient, que certes ils sont avec vous, et avec vous les croyants, alors qu'en fin de compte, ils s'allient avec les mécréants. Et regardez comment ça se passe autour de vous. حَبِضَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Alors leurs actions ont été devenues nulles et non avenues, vaines. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Ils sont devenus perdants. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ô vous qui avez cru, من يرتد منكم عن دينه, celui qui fait ridda, celui qui donc qui fait l'apostasie, qui se retourne de sa religion, donc qui fait du kufr. Et là on est dans quoi? On est dans le contexte de ceux qui s'allient au kuffar. Donc Allah Azzawajal atteste bien que le fait de s'allier au kuffar contre les musulmans, c'est bien du ridda. Et c'est une action. L'acte même, pas la croyance, mais l'acte de s'allier au kuffar contre les musulmans, cet acte est du kuffar. Comme pour le sihr, c'est un acte en lui-même qui est du kuffar. Même si la personne dit qu'il reconnaît comme quoi ce qu'il fait c'est haram, c'est interdit, etc. Mais c'est du coup, il s'est allié aux mécréants pour nuire aux musulmans et à l'islam. Donc Allah a dit au vous qui avez cru, celui qui se retourne de sa religion, qui apostasie, Alors Allah viendra avec des gens qu'il aimera et qu'il aimera. Yuhibbuhum, donc Allah les aimera, ou yuhibbuhuna, et eux, ils les aiment, ils aimeront Allah. Donc ça c'est une affirmation d'Allah Azzawajal que ce groupe-là sera aimé d'Allah et que véritablement, sincèrement, ces gens-là aimeront Allah. Et Allah Azzawajal est venu avec quatre caractéristiques de ces gens, de ce groupe. Et donc il faut absolument venir avec ces quatre caractéristiques. Adillatina al-mu'minin, humble avec les croyants. Le comportement du musulman envers son frère musulman doit être un comportement humble, pas d'orgueil. Izzatin al-kafirin, puissant sur les mécréants. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, yujahiduna fi sabilillah. Ils font le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Pour celui qui veut faire partie de ce groupe de gens que Allah aime et que eux aiment Allah, il faut aussi qu'ils soient dans le djihad, dans le combat, dans le sentier d'Allah. Et le mot djihad englobe aussi bien l'épée que par la parole. Quatrième caractéristique et la dernière. Et ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur du blâme des koufars quand il les appelait à l'islam? Non. Mais regardez autour de vous ceux qui veulent être imams, prêcheurs dans les pays mécréants ou dans les pays des musulmans qui sont gouvernés malheureusement par des apostats. Regardez-les. Regardez-les comme ils ont peur. Ils n'osent pas dire la vérité s'ils la connaissent et s'ils y croient dans leur cœur. Ils craignent. Ils les craignent. Ils craignent les tawarides. Sauf ce que Allah a fait miséricorde et nous demandons à Allah de nous donner cette miséricorde et de nous renforcer. Ensuite, Allah a dit ceci est le mérite d'Allah. Ceci c'est le mérite d'Allah. Et il le donne à qui il veut. Et Allah est large et savant. Innama waliyukum Allah, certes, ce n'est que Allah votre allié, wa rasuluhu et son messager, walladhina amanu et ceux qui ont cru, mais attention, alladhina yuqimuna as-salah, ceux qui accomplissent la prière, wa yu'tuna az-zakah et qui s'acquittent de la zakat, wa hum raki'un alors qu'ils sont inclinés. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et celui qui s'allie à Allah Azza wa Jal et à son messager, à ceux qui ont cru, alors certes, le parti d'Allah, Hizbullah, ce sont eux les vainqueurs, c'est eux qui dominent. Maintenant, nous allons lire une parole d'un savant qui s'appelle Abdul Latif ibn Abdurrahman Hassan, qui est décédé en 1293 de l'Hégire. C'est un petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah. Donc, il s'appelle Abdul Latif. Son père était Abdurrahman, son grand-père était Hassan, et son arrière-grand-père, c'était le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il a dit ceci. فَمَنْ أَعَانَ الْكُفَّارُ celui qui aide les kuffars, les mécréants, أَوْ جَرَّهُمْ إِلَى بِلَادِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ou qui les amène dans les pays des gens de l'islam, أَنَّهَا رِدَّةٌ صَرِيحَةٌ بِالِاتِّفَاقِ c'est quoi? Certes, أَنَّهَا certes, elle est quoi? Faire cette action c'est quoi? رِدَّة c'est une apostasie. Sariha, il insiste, qui est clair, sariha, qui est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Bilittifak, avec le consensus. Il n'y a pas de divergence sur ceci. Il n'y a pas de divergence. Et cette parole, vous la trouvez notamment dans le livre Ad-Durar As-Saniya. Ad-Durar Al-Saniya, au volume 8, à la page 326. Donc celui qui aide les koufars et qui les emmène, qui les traîne, qui les emmène dans les pays des gens de l'islam, eh bien, celui-ci a apostasié d'une apostasie, qui est claire et dans laquelle il n'y a pas de divergence. Et ça, c'est un acte, comme il vient de dire ici. Ce n'est pas une croyance. Parce que certains murji'a de notre époque vont dire toujours « Oui, non, mais il faut que ça soit avec une croyance dans le cœur. Il faut absolument qu'ils disent comme quoi, ils reconnaissent comme quoi, en fin de compte, c'est halal, alors qu'en fin de compte, c'est haram, etc. » Non. Ou ils disent aussi, apparemment, que l'excuse de l'ignorance est pour ceux qui font ça. Non, ceux qui combattent dans les rangs des mécréants, contre les musulmans, comme par ça, ceux qui rentrent dans une armée de mécréants et qui vont combattre en Afghanistan contre les Afghans musulmans qui défendent la loi d'Allah, la Sharia, eh bien, ces gens-là qui sont dans les rangs de l'armée, d'une armée mécréante, eh bien, ils sont koufars. On ne les excuse pas par l'ignorance. Il n'y a pas d'excuse d'ignorance pour cela. D'accord ? Il n'y a pas d'excuse d'ignorance pour cela. Et cet acte, même si la personne reconnaît comme quoi ce qu'il fait c'est haram, etc., cet acte en lui-même est du coup comme pour la magie et autres, comme pour Al-Istirza. Billah ou comme le fait de se moquer d'Allah ou de la religion d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, nous allons lire des versets sur ce sujet et qui revient en fin de compte à ce qu'on avait étudié. Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et la désalliance, le désaveu. D'accord ? Et une des choses dans la loi qui fait devenir la personne koufa, c'est justement de combattre avec les mécréants les musulmans. Être dans leur rang contre les musulmans. Nous allons maintenant dans la sourate Al-Imran, au verset 118. Et Allah Azza wa Jalla dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ne prenez pas de bitan. Bitan, c'est quoi? Ça vient de mon bottom, qui est à l'intérieur. C'est-à-dire de personnes auxquelles vous faites confiance et auxquelles donc, vous allez divulguer certains secrets. D'accord? Donc des personnes proches de vous. Min donikum, en dehors de vous, et en dehors des croyants, en dehors des musulmans. Ne prenez pas de koufar auxquels vous allez divulguer des secrets et autres. La yalunakum khabala. La yalunakum khabala. Ils ne feront jamais de négligence envers vous pour mettre le façade, pour mettre le désordre, ou la rada et l'animosité pour nuire. Waddu ma anittum. Ils aiment, ils ont aimé, ils aiment ce quoi quand vous rentrez dans une difficulté. Ma anittum. Code Badatil Barda ou min afwahihin. Et certes, est apparu la haine par leur bouche. Wa ma turfi sudurhum akbar. Et ce que cache leur poitrine est encore plus grand. On voit par leur bouche comme quoi ils détestent les musulmans et l'islam. Mais ce qu'ils cachent, parce qu'ils cachent leur haine qui est dans leur cœur, est encore plus grand. S'ils devaient dévoiler tous, s'ils devaient dévoiler leur haine de l'islam par leur bouche, on en serait vraiment plus qu'offusqué. Qad bayyana lakum al-ayat. Certes, nous avons bien expliqué pour vous les versets. In kuntum taqilun, si vous êtes à raisonner. Donc raisonnez bien, frères et sœurs, raisonnez bien le mal des mécréants, et le mal de s'allier à eux, et le mal de se rapprocher à eux. N'oubliez pas que les mécréants, c'est quoi? Ce sont les gens de la mécréance. Ce sont les gens du Tarout. Et il nous est ordonné de nous écarter du Tarout. Et le fait de s'écarter du Tarout, c'est aussi de s'écarter des gens du Tarout. Et notamment par le corps, en faisant la hijra, qui est légiférée, mais aussi par toute chose possible de s'en écarter. Écarter, il faut s'éloigner le plus possible du Tarout. Et ça englobe le fait de s'éloigner les gens du Tarout, de ne pas rester avec eux. Et plus un kafir s'approche de son Tarout et lutte pour son Tarout, plus nous devons le détester, ce kafir-là. Plus nous devons en prendre garde. Et plus un mécréant s'éloigne de son tarot et va être plus réceptif à l'appel d'Allah Azza wa Jal, à l'appel de celui qui l'a créé, à l'appel de celui auquel il retournera après sa mort. Nous devons alors être attentifs envers lui et lui expliquer la voie pour laquelle, par laquelle il sortira des ténèbres vers la lumière. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah au verset 257: Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Et ceux qui ont mécru, walladhina kafaru, ceux qui ont fait du coup, ceux qui ont mécru, awliya'uhum at-taghut. Leurs alliés sont le taghut. Il n'y a pas un kafir sur terre sans qu'il suive un tarout. Il n'y a pas un seul kafir sur terre sans qu'il y ait un tarout qui suit. Et que son allié, c'est un tarout, si ce n'est plusieurs tarouts. Allah Azza wa Jal ne ment pas. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّارُوتِ. Et ceux qui ont mécru, ceux qui sont mécréants, leur allié est le tarout. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Qu'Allah nous en préserve. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ce sont eux les gens du feu, le feu de l'enfer. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ils sont dedans éternellement. Ils n'en sortiront pas. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de la mécréance, du tarout. Il nous préserve de nous rapprocher du tarot et notamment des gens du tarot, des kuffars. Et comme je vous l'ai déjà dit, à la fin, le dernier épître du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a, c'est justement sur le tarot, et il va bien décrire, et on va bien expliquer, ce qu'est le tarot linguistiquement, et dans la législation, c'est quoi le tarot, et il va nous donner les cinq têtes du tarot, les cinq textes, les plus grands tarots. Donc c'est pour ça que depuis le début, comme je vous l'ai déjà dit, je n'explique pas exactement en détail le tarot parce qu'on va le faire. D'accord ? On ne va pas le faire deux fois et ça prend du temps. Donc patientez, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier épître qui va nous éclaircir sur ce qu'est le tarot et les tawarit. Tawarit, c'est le pluriel en arabe du mot tarot. Maintenant, nous prenons un verset dans Surat al-Ma'ida. Mais là, c'est le verset 80 et 81. Allah Azza wa dit, Tara kathiran minhum, et tu vois beaucoup parmi eux, et parmi les munafiqoun. Yatawallawna alladhina kafaru, ils s'allient aux gens qui ont mécru, ils s'allient à ceux qui ont mécru, ils s'allient aux mécréants. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, an sakhita Allahu alayhim, wa fil adhabihum khalidun. Qu'est-ce que c'est mauvais ce que leurs âmes leur ont donné, d'accord, enfin, qu'elles ont poussé à faire quoi, ce que Allah Azza wa Jalla les déteste. Et ils sont dans le châtiment éternellement, le châtiment de l'enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il dit ceci: Walau kanu yu'minun, walau kanu yu'minun billah wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya. Et si, et là le cheikh Ibn Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit bien que ici aussi c'est une partie de condition, c'est-à-dire que pour avoir l'iman, c'est une condition, il faut avoir ce qu'il y a après. Donc celui qui ne fait pas ce qu'il y a après, en fin de compte, il n'est pas croyant. Donc c'est un mécréant. Donc, et si ils étaient à croire en Allah et au prophète, et en ce quoi on a fait descendre sur lui, donc au prophète, matakhadhuhum awliya, ils ne les auront pas pris comme alliés. Et ceci, c'est un acte. Et ce n'est pas une croyance, c'est un acte, d'accord? Donc celui qui croit en Allah Azza wa Jal, en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en ce quoi on a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, la Sunna et la Sharia, eh bien, il ne peut pas prendre les koufars comme alliés. Car s'il les prend comme alliés, en fin de compte, il ne croit pas en Allah. Et il ne croit pas au prophète. Et il ne croit pas en ce quoi on a fait descendre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. même s'ils pensent qu'ils y croient. Combien de koufars, combien de murtadoun, combien d'apostats, personnes qui sont musulmanes, pensent qu'ils sont musulmans? Sincèrement, ils pensent vraiment qu'ils sont musulmans, en fin de compte, ils sont koufars. Combien? Rappelez-vous toujours ce qui s'est passé après la mort du prophète, quand la majorité des musulmans, donc c'était la majorité des musulmans des Arabes qui avaient dans la péninsule arabique, ont apostasié. Et beaucoup de ceux qui ont apostasié pensaient qu'ils étaient toujours musulmans. Mais ils ont apostasié par plusieurs sortes d'apostasie, comme le fait de renier quelque chose, comme le fait de renier comme quoi la zakat était toujours obligatoire, parce qu'ils pensaient qu'ils croyaient que la zakat était seulement obligatoire tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Ils pensaient qu'ils étaient musulmans, ils croyaient, ils disaient « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », seulement ils étaient mécréants, apostats. Et comprenez bien une chose, Allah Azza wa Jal a dit dans surat An-Nisa, soit dans la surat les femmes, au verset 45, Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Et Allah est plus savant de vos ennemis. Vous comprenez ça? Allah est plus savant de vos ennemis. Donc, arrêtez de croire que tel mécréant, ou telle sorte de mécréant, ou tel pays mécréant, en fin de compte, ils veulent vous bien, alors qu'Allah Azza wa Jalla a décrété que vous ne devez pas vous allier aux mécréants. Allah Azzawajal sait mieux que nous qui sont nos ennemis. Nos ennemis, ce sont les mécréants. Et à leur tête, les apostats. Nous allons maintenant dans la sourate, toujours sourate An-Nisa. Mais maintenant, nous allons au verset 138 et 139. Allah Azzawajal dit ceci. Bashiril munafiqin bi anna lahum adhaban alima. Et fais la bonne annonce aux munafiqin. Que certes, ils ont pour eux un châtiment douloureux. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Ceux qui prennent les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'a. Est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils cherchent, et Abtaroun vers Ibtara qui veut dire Talaba ou Arad, est-ce qu'ils cherchent et demandent auprès d'eux, auprès des mécréants, l'izza, la puissance ? Fa inna l'izzata lillahi jami'a, car certes, la puissance tout entière est à Allah Azza wa Jal. Eh oui, les munafiqoun sont comme ça. Ils craignent les mécréants plus qu'ils craignent Allah Azza wa Jal. Toujours dans Sourate An-Nisa, maintenant nous allons au verset 144 et 145. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les kafirines, la tattakhidhul kafirin, les mécréants, ne prenez pas les mécréants awliya'a min dunil mu'minin comme alliés en dehors des croyants. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Est-ce que vous voulez mettre, donc donner à Allah Azzawajal afin qu'il ait sur vous une autorité qui soit claire? Ça vous fait plaisir cela? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Certes, les munafiqoun, ils sont au degré le plus bas dans le feu de l'enfer. Minanar, dans le feu de l'enfer. Walan tajid lahum nasira, et tu ne trouveras pas pour eux de secoureurs. C'est fini, quand ils vont rentrer en enfer, les munafiqoun n'y sortiront jamais, car ce sont des kuffars. Ils font croire aux gens qui sont mécréants. Ça, c'est une sorte, comme je l'ai déjà dit. L'autre sorte des munafiqoun pensent qu'ils sont musulmans, mais en fin de compte, ils sont mécréants. Et quelle sera leur surprise le jour de la résurrection? Mais quelle sera leur surprise quand ils vont mourir, quand ils seront dans la tombe et qu'ils vont être questionnés? Quand ils ne pourront pas dire La ilaha illallah. Quand ils ne pourront pas répondre aux trois questions. Man rabbuk, madinuk, wa man nabiyuk. Ils ne pourront pas répondre par la bonne question quand on leur posera cette question. Quelle est ta religion? Quel est ton maître? Quel est ton prophète? Leur langue ne pourra pas prononcer les trois bonnes réponses. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du nifaq, qu'Allah Azza nous préserve du kufr, nous fasse mourir sur l'islam et nous fasse répondre aux trois questions de la bonne réponse, qui nous affirme sur terre, qui nous affirme dans, qui nous affermit dans la tombe. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Hud au verset 113: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Et n'allez pas, ne penchez pas, ولا تركنوا, ne penchez pas vers ceux qui sont injustes, car Allah, car alors le feu vous touchera. وما لكم من دون الله من أولياء. Et vous n'aurez pas en dehors d'Allah d'alliés. Et ensuite, vous ne serez pas secouru. Il ne faut pas pencher vers les mécréants, pencher vers les munafiqoum, pencher vers les apostats. D'accord ? Sinon, le feu nous touchera. Dans Surat Al-Baqarah, au verset 217, Allah Azza wa Jal dit cela, en parlant des kuffars. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. En parlant des kuffars, il dit, ils ne cesseront pas de vous combattre. يقاتلونكم القتال, donc par les armes, ne cesseront pas de vous combattre. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, jusqu'à vous faire sortir de votre religion, s'ils le peuvent. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, et celui qui se retourne, donc qui apostasie parmi vous de sa religion, فَيَمُوتْ, et qu'il meurt, donc il meurt en étant mécréant, وَهُوَ كَافِرٌ, d'accord, فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ, il meurt en étant kafir mécréant, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, alors ce sont ceux-là dont leurs actions sont vaines, sont devenues vaines dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, et ceux-là sont les gens du feu. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, eux sont dedans éternellement. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, certes ceux qui ont cru et ceux qui ont fait la hijra, d'accord, donc qui ont quitté les mécréants pour les musulmans, وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, qui ont fait le jihad dans le chemin d'Allah Azza wa Jalla, pas le chemin de la nationalité, de la patrie ou d'autres choses qui font partie de la jahiliya. Non, pour Allah Azza wa Jal, ils font le jihad pour Allah Azza wa Jal. Oulaika yarjouna rahmatullah. Ceux-là sont ceux qui espèrent rahmatullah, la miséricorde d'Allah. Wallahu ghafur rahim. Et Allah est un grand et grand pardonneur et grand miséricordieux. Donc qui sait, Allah Azza wa Jal ici nous donne l'information de qui ceux qui concrètement, véritablement, espère la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et le concrétise, non pas une simple espérance du cœur qui ne va pas se concrétiser, qui est plutôt un peu comme une utopie, non, qui vont vraiment, ceux qui vraiment espèrent la rahmatullah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ce sont qui ? Ceux qui ont cru, qui ont fait la hijra et qui ont fait le jihad. Inna alladhina amanu. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Il y a des personnes, des musulmans qui sont tout à fait insouciants, qui sont insouciants de ce qu'ils vivent, comme ceux que vous pouvez voir par exemple en France ou en Belgique ou autre, qui sont là au milieu des pays des mécréants, mais au pays du pays de la démocratie, du tarot, du kufr, du grand kufr. Même dans les pays où il y a beaucoup d'apostasie et qui sont à la base des pays des musulmans. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, qui sont tout à fait insouciants. Rafiloun, ils sont insouciants de ce qui se passe. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils sont insouciants, ils vivent dans l'insouciance. Mais quand ils vont mourir, il y a deux anges qui vont venir les questionner. Quelle réponse ils vont donner ? Ce jour-là, l'insouciance n'aura plus droit. Quand ils vont ces deux anges venir, il n'y aura plus d'insouciance. Mais il sera trop tard. Ils ne pourront pas revenir sur Terre. Ils ne pourront pas revenir sur Terre pour faire des bonnes actions. Ils ne pourront pas revenir sur Terre pour être sûrs de mourir sur l'islam, sur l'imam. Combien sont insouciants du Tarout et des gens du Tarout, du Koufre et des gens du Koufre? Combien sont insouciants des Koufars, de ce qui manigance contre l'islam? Allah Azzawajal nous vient de nous informer. Et Allah Azzawajal ne ment pas. Et son information est pour toute l'humanité jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui dit que ceci est une faute d'Allah est un kafir. Allah ne fait pas de faute. Allah Azzawajal ne se trompe pas et ne ment pas. Allah Azzawajal a dit « Wa la yazalun yuqatilunakum » Et ils ne cesseront pas de vous combattre « Hatta yaruddukum an dinikum listatarou » jusqu'à vous faire pour. Parce que « Hatta » ici c'est le tarilia. « Mane kay yaruddukum » afin de quoi vous combattre? De vous renvoyer, de vous retourner à votre religion, afin que vous apostasiez de l'islam. Et listatarou s'ils le peuvent. Et ils savent bien, surtout à notre époque, ils savent bien les koufars, que pour faire sortir un musulman de l'islam, c'est pas en le faisant devenir chrétien, c'est pas en disant que le musulman dit « c'est bon, je ne suis plus musulman ». Ils ont beaucoup de mal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont bien manigancé avec le shaitan. Ils ont très bien manigancé. Et en fin de compte, ils changent l'islam dans l'intérieur. Comme si la personne dit qu'il est toujours musulman, pense qu'il est toujours musulman, mais en fin de compte, il est devenu mécréant. Un vrai munafir, quoi. Il va croire au Tarout. Il y en a même qui vont combattre pour le Tarout. Qui vont combattre pour le Tarout contre les musulmans. Et contre les musulmans qui veulent la loi d'Allah Azzawajal. Qui combattent, qui font le djihad clairement dans le chemin d'Allah Azzawajal. Comme on peut le voir en ce moment en Afghanistan. Avec toutes les armées des pays mécréants. Tous réunis, plus de 40 pays se sont réunis. Afin de faire quoi? Afin d'éradiquer la charia, la loi d'Allah Azzawajal en Afghanistan. Et l'ONU a déclaré de manière claire et nette que la seule chose pour laquelle ils sont venus en Afghanistan, c'est afin d'enlever la charia pour mettre cette mécréance qui est la démocratie. Donc à tous les insouciants, mais avant tout aux croyants et croyantes, Allah Azzawajal a dit cela, qui est dans Sourate An-Nisa, la Sourate des Femmes, au verset 76. Al-Nadhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ceux qui ont cru, ils combattent. Yuqatilun, Allah Azzawajal, ici n'a pas dit yujahidun, elle dit yuqatilun. Et le al-qatala yuqatilu kitalan, elle vient de al-qat, c'est le combat auquel la mort s'ensuit, c'est-à-dire que le combat par les armes. Ceux qui ont cru combattent par les armes. Fils Abilillah, dans le chemin d'Allah Azzawajal. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Et ceux qui ont mécru, ceux qui sont mécréants, yuqatiluna fi sabilit tagut. Ils combattent par les armes, dans le chemin du tagut. Comprenez ce que veut dire le mot tagut. Le mot tagut vient plusieurs fois dans le Coran. Faqatilu awliya ash-shaytan. Alors combattez par les armes les alliés du shaytan. C'est un ordre. Et l'ordre veut l'obligation. Quand il y a un verbe impératif, ça incombe l'obligation. Donc c'est obligatoire sur le musulman de combattre par l'épée les alliés du shaytan, les alliés du tarout, les mécréants. Inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa. Certes, la ruse du shaytan est faible. N'ayez pas peur, la ruse du shaytan est faible. Et pensez qu'après la mort, c'est le paradis, inshallah. Pour ceux qui meurent dans le chemin d'Allah Azzawajal, ils sont shuhada, ils sont martyrs. Ils ont pour eux les meilleures places qu'on peut avoir au paradis. Donc sortez de cette insouciance. Soit vous combattez dans le chemin d'Allah Azzawajal, soit vous combattez dans le chemin du Tarout. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.